السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم جميعا. حياكم الله. Bienvenue à tous. On se retrouve ce soir, encore une fois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est dans le deuxième cours de la série des cours sur le tafsir, sur l'explication de la partie de Juz'amma, comme on a dit hier, de la sourate An-Naba jusqu'à la fin du Coran, surat An-Nas. Sachant qu'un juz dans le Coran, ça équivaut à 2 hizb, c'est-à-dire 20 pages. Donc un juz, c'est 20 pages du Coran. Et il y a 30 juz dans le Coran, à titre de rappel. Donc on s'était arrêté au verset numéro 16. On continue, inshallah wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Inna yawma al-fasli kana miqata yawma yunfakhu fi s-suri fata'tuna afwaja وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, il dit, dans la traduction approximative, le jour de la décision a son terme fixé. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici ce qui va advenir le jour du jugement, celui dont ceux qui le traitaient de mensonge s'interrogeaient, ainsi que ceux qui le reniaient. Un jour immense, un jour terrible. Il a été appelé le jour de la décision, car Allah subhanahu wa ta'ala va trancher entre les serviteurs sur quoi ils se disputaient et divergeaient. Il va trancher entre les gens de la vérité et les gens du faux. Il va trancher entre les mécréants et les croyants, entre les injustes et les gens justes. Il va trancher entre les gens du paradis et de l'enfer, un groupe au paradis et un groupe en enfer. Et ce jour-là, ce jour terrible, a un terme fixé, déterminé. Il est fixé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne le sait à part Allah azza wa jal. Allah dit dans sourate Hud, dans la traduction approximative, et nous ne le retardons que pour un terme bien déterminé. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupe. Celui qui souffle, Allah a chargé à l'ange Israfil de souffler dans la trompe. Il va souffler 2 fois. La première fois, les gens seront effrayés, puis foudroyés, et ils mourront. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar, les groupes, verset 68, et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ce qu'Allah voudra épargner. Fin du verset. Et le deuxième souffle, ils seront ressuscités, le jour de la résurrection. Allah va leur redonner vie. Il sera ressuscité comme il est mort. Allah dit dans la suite du verset de Surat Az-Zumar qu'on vient de citer, puis on y soufflera encore, c'est-à-dire le deuxième souffle. Et voilà debout à regarder. Vous viendrez par troupe, c'est-à-dire par groupe, groupe après groupe. Comme dit Ibn Jarir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans l'explication de ce verset, chaque communauté viendra avec son messager. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Isra, verset 71, le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef. فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et le ciel sera ouvert et présentera des portes. Naam, effectivement, le ciel se fendra jusqu'à ce qu'il présentera des portes. Le ciel va s'entrouvrir, il va s'élargir. Il y a des portes ouvertes. Les gens observeront. Après que ce ciel était un toit préservé, comme on l'avait cité. Et ça, c'est une preuve de la perfection de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, ces sept cieux renforcés, ils ne seront plus comme ça ce jour-là. Mais ils seront comme des portes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'arij, verset 8, le jour où le ciel sera comme du métal en fusion. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit dans l'explication de ce verset, des portes, c'est-à-dire des chemins et des allées pour la descente des anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Furqan, verset 25, et le jour où le ciel sera fondu par les nuages et qu'on fera descendre des anges. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. Les montagnes se déplaceront jusqu'à devenir poussière éparpillée. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Naml, les fourmis, verset 88. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Allahu Akbar. Et comme dans sa parole, dans Surat Al-Qari'a, verset 5, et les montagnes comme de la laine cardée. Lorsque tu prends de la laine et tu la cardes, tu verras comment ça fait. Ajib. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, deviendront un mirage. C'est-à-dire, celui qui regardera pensera que c'est une chose. Mais ce ne sera rien, comme un mirage. C'est-à-dire la personne qui est dans le désert, il pense voir de l'eau au loin. Mais en réalité, ce n'est que de la poussière. Et ça sera comme ça pour la montagne, pour les montagnes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Taha, versets 105 à 107, et il t'interroge au sujet des montagnes. Dit, mon Seigneur les dispersera comme la poussière. Il la laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Après cela, plus rien. Tout va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, la caverne, verset 47, le jour où nous ferons marcher les montagnes et tu verras la terre nivelée comme une plaine. Et il y a beaucoup d'autres versets à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite: Inna jahannama kanat mirsada. L'enfer demeure aux aguets. C'est-à-dire qu'elle surveille l'enfer. Observe. Elle est prête pour les transgresseurs. L'enfer, Jahannam, est un nom parmi les noms de l'enfer. Elle a été appelée comme ça car elle possède de l'obscurité. Elle est sombre par sa noirceur et sa profondeur. Comme dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Certes, la distance entre le bord et le fond de l'enfer est telle que si une pierre dont le poids était équivalent à 7 chamelles enceintes avec leur graisse, leur viande et leurs petits tombait du bord, elle mettrait 70 ans à atteindre le fond. Et le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah nous en préserve de cet enfer. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé. Na'am, elle est présente. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et craignez le feu préparé pour les mécréants. Donc il faut croire que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité. Et que tous deux sont déjà créés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Hein, comme dans le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alors que je dormais, je me suis vu au paradis et une femme faisait ses ablutions à côté d'un palais. J'ai demandé à qui est ce palais? On me répondit à Omar. Je me suis rappelé ta jalousie et j'ai fait demi-tour. Omar, qui était dans l'assise, pleura puis dit: Ô messager d'Allah, serais-je jaloux de toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu aussi, hein, dans le serment de la prière de l'éclipse. Yani, les compagnons dirent: Ô messager d'Allah, nous t'avons vu tendre la main puis reculer. Il dit: J'ai vu le paradis et j'ai voulu saisir une grappe et je l'avais attrapée. Si je l'avais attrapée, Afwan, vous en auriez mangé tout, vous en auriez mangé tant que perdurerait ce bas monde. Et on m'a également fait voir l'enfer et je n'ai jamais rien vu de plus horrible que cela, jusqu'à la fin du hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite: Les tarina ma'ab. Un refuge pour les transgresseurs. Hein, les tarin, c'est le djemre de tari. Hein, c'est-à-dire celui qui a dépassé la limite. Celui qui a transgressé la limite. Et les transgresseurs ici, ce sont les désobéissants. Les mécréants, les associateurs, ceux qui ont contredit les messagers, ils ont dépassé les limites dans les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les droits des serviteurs. Ils ont transgressé en commettant la mécréance, l'association, et leur refuge est l'enfer. L'enfer est leur destination et leur demeure. Qu'Allah nous en préserve. Les tarina ma'aba labithina fiha ahqaba. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. C'est-à-dire qu'ils y resteront une très longue période. Et comme l'indique le noble Coran, c'est une période qui n'a pas de fin. Ils y resteront éternellement. Et cela est clairement explicite dans trois versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sa parole, dans Surat An-Nisa: Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin autre que le chemin de l'enfer où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Allah. versets 168 et 169. Et le deuxième verset dans Sourate Al-Ahzab, les coalisés, versets 64 et 65, Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni allié ni secoureur. Et dans le troisième verset, dans Sourate Al-Jinn, verset 23, et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et ceci, mes frères, est la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Hein, le paradis et l'enfer sont éternels. Hein, ils sont tous deux créés, comme on a dit. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le nombre des habitants du paradis et ceux qui y entreront. Et il connaît le nombre des habitants de l'enfer et ceux qui y entreront. Tous deux ne disparaîtront jamais. Celui qui entre en enfer n'en sortira plus jamais. Sauf les croyants qui ont fait des péchés. Ils y resteront un moment, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu, puis sortiront pour rester au paradis éternellement. Mais les mécréants et les associateurs, ils resteront éternellement en enfer. Et wallahi, c'est pas si simple, mes frères. À un moment en enfer, c'est terrible, wallahi. Comme il est venu dans le hadith d'Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On fera venir celui des gens du paradis qui a le plus d'épreuves dans la vie d'ici-bas. » Et il sera dit « Plongez-le une fois dans le paradis, alors il y sera plongé. » Puis Allah va dire « Ô fils d'Adam, as-tu vu dans le passé une quelconque difficulté ou une chose que tu détestes ?» Alors il va dire « Non, par ta puissance, je n'ai jamais vu une chose que j'ai détestée. » Puis on fera venir celui des gens de l'enfer qui a le plus de bienfaits dans la vie d'ici-bas. Et il sera dit, plongez-le une fois dans l'enfer, il y sera plongé. Puis Allah va dire, ô fils d'Adam, as-tu vu dans le passé un quelconque bien ou une chose qui a réjoui ton œil? Alors il va dire, non, par ta puissance, je n'ai jamais vu aucun bien ni une chose qui a réjoui mon œil. Subhanallah. Le châtiment le plus léger de l'enfer, comme dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes le moins châtié des gens de l'enfer est celui qui a des chaussures et des lacets de feu qui vont faire bouillir son cerveau, comme la marmite qui bouillit. Il pensera que personne n'est plus châtié que lui, alors qu'il sera en réalité celui qui est le moins châtié. Et le hadith est rapporté par Muslim. Qu'Allah nous préserve de cet enfer, ne serait-ce que une seule fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, « La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. » Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage. Ils n'y trouveront pas dans cet enfer une fraîcheur pour leur cœur, ni boisson pour s'en nourrir et se rafraîchir. Rien ne pourra rafraîchir leur peau, leur corps, leur cœur. Rien ne pourra repousser leur soif. Pas de fraîcheur pour l'extérieur du corps et ni pour l'intérieur. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate Al-Kahf, et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Et ce que cela leur sera bénéfique, écoute ce qu'Allah dit dans Sourate Muhammad. Est-ce que cette fraîcheur leur sera bénéfique? Cette boisson qui est détestable, hein, qui brûle les visages comme du métal fondu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Muhammad, et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui déchire les entrailles. Et il dit dans Sourate Ad-Dukhan, en ce qui concerne l'extérieur du corps, qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise, qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hajj, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre de même que leur peau. Ils ne goûteront jamais à la fraîcheur, ni boisson qui éteindra cette chaleur à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Nisa, certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Quelqu'un, il peut se poser la question, mais au bout d'un moment, il va être habitué. Il va plus sentir la chaleur. Il va plus sentir le châtiment. Regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Châtiment après châtiment, douleur après douleur, de plus en plus fort. Et les versets du Coran sont vraiment nombreux à ce sujet. Ce châtiment et cette menace sévère pour les gens du feu, qu'Allah nous en préserve. Illa hamiman wa ghassaqa. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une eau bouillante et impue. Ici, Rassaka, on va voir qu'un puits ici, il y a plusieurs sens de ça. Donc, comme nous l'avons cité ici, ils n'auront que de l'eau bouillante. Rien d'autre excepté cela. Et un puits, Rassaka. C'est-à-dire, on leur donnera du Rassaka. Et certains savants disent, en guise d'explication de ce mot, c'est le puits des gens de l'enfer. Wal'iyadu billah. Ainsi que leur sueur. D'une odeur nauséabonde. Les choses mauvaises qui sortent de leur intérieur, de leur corps, de leurs blessures, leur peau, leur décomposition et autre chose. Et d'autres savants disent que c'est une eau glaciale. C'est une eau glaciale qui les brûlera tellement que c'est froid, tellement que c'est glacial. Ils auront non seulement de l'eau bouillante, mais aussi de l'eau glaciale, mais bouillante, afin qu'ils goûtent le double châtiment qu'Allah nous en préserve. Naam. Jaza'an wifaqa. Comme rétribution équitable. C'est-à-dire qu'ils ont mérité ce châtiment horrible, en rétribution, en guise d'équité sur ce qu'ils ont commis. Cette rétribution est conforme à leurs mauvaises actions qui les ont amenés à cet enfer. Allah n'a pas été injuste envers eux, mais ils ont été injustes envers leur propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Yunus, en vérité Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Et comme dans le hadith d'Abu Dhar al-Ghifari, dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Alors ne soyez pas injustes. » Celui qui se fera châtier, c'est uniquement par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala car il l'a mérité. Et celui qui rentre au paradis, c'est uniquement par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de rentrer au paradis par sa miséricorde. Et donc cette rétribution de l'enfer, c'est une rétribution équitable pour ceux qu'ils ont acquis de leurs propres mains. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne leurs actions par lesquelles ils méritent cette rétribution. Il dit ensuite, « Innahum kanu la yarjuna hisaba » car ils ne s'attendaient pas à rendre compte. Naam, dans cette dunya, ils ne croyaient pas à la résurrection, au jour du jugement. Ils ne croyaient pas à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne croyaient pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue les créatures en bien ou en mal. Ils n'y croyaient pas avec leur cœur et le démentaient avec leur langue. Allah subhanahu wa ta'ala dit... Et ils dirent, Il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ah, ouais. Ils disent que c'est un mensonge, une sorcellerie. C'est pour cela qu'ils ont délaissé les œuvres pour le dollar. Ils n'avaient pas peur de la rétribution, ils n'avaient pas peur des comptes. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّبًا. Et ils traitaient de mensonges continuellement nos versets. Effectivement, ils traitaient de mensonges les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les preuves claires de la résurrection. Ils s'en moquaient, ils s'enorgueillaient. Ils n'ont pas tiré profit de ces signes. Traitaient de mensonges sur ce quoi est venu les prophètes ainsi que les miracles. Allah subhanahu wa ta'ala dit كِذَّبًا ici. C'est-à-dire pour montrer la confirmation, pour certifier. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit. Naam, toutes choses en petite quantité ou en grande, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous l'avons dénombré en écrit. C'est-à-dire préservé sur une tablette, resté près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, d'après Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. » Rapporté par Muslim. Toutes les actions des créatures sont écrites. Chaque parole est écrite. Allah a chargé les anges pour cela. Allah dit dans Surat Qaf, verset 18, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Aucune action, c'est-à-dire fin du verset ici, hein, aucune action ni parole ne sera perdue. Rien ne sera oublié. Les criminels ne penseront pas que quelque chose a été perdu ou qu'Allah les a châtiés des péchés qu'ils ignoraient. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, en sourate Kahf, et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire malheur à nous. Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital? Et ils y trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Hein, il sera dit aux gens de l'enfer, goûtez donc ce châtiment douloureux, ô vous ceux qui traitez de mensonges ce jour dans la vie d'ici-bas. Nous n'augmenterons pour vous que le châtiment sur châtiment dans laquelle vous êtes. Nous ne leverons pas ce châtiment, car il est éternel. Nous n'allégerons pas ce châtiment non plus, mais encore plus, nous vous laisserons pas dans le même châtiment. Mais cela ne fera qu'augmenter. Dans la force, dans le délai, dans les catégories de châtiment. Et dans un autre verset, ils diront aux gardiens de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice, comme dans Surat Raf, verset 49. Ils diront à l'ange, hein, ils le prendront comme intermédiaire pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger un jour de notre supplice. Médite sur ce verset dans plusieurs aspects. Premièrement, il ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement à l'ange. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, il dit soyez-y refoulés, humiliés et ne me parlez plus. Fin du verset. Ils ont vu qu'ils ne méritaient pas de demander et d'invoquer Allah directement, mais plutôt avec l'ange. Deuxièmement, ils diront « Invoquez votre Seigneur ». Ici, ils n'ont pas dit « Invoquez hein, » et non pas « Notre Seigneur ». Troisièmement, ils ne diront pas « Sauve-nous de l'enfer !» Mais ils diront juste un allègement, car ils désespèrent tellement qu'ils savent qu'ils ne peuvent être sauvés. Donc ils demandent juste un allègement. Quatrièmement, ils ne veulent pas un allègement éternel, mais juste un jour de châtiment. Cela montre l'état de désespoir, d'humiliation et de perdition dans laquelle ils sont. Dans le châtiment dans lequel ils sont. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate la consultation, et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement et regardant d'un œil furtif. Verset 45. Qu'Allah nous préserve de cet enfer. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné la situation des criminels, des transgresseurs, après avoir mentionné le refuge pour les transgresseurs, leur destination, la finalité de ceux qui traitaient de mensonges, la résurrection et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ensuite la finalité et la destination des croyants qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, à la résurrection, qui se sont préparés pour ce jour en accomplissant les bonnes œuvres. Les pieux qui ont craint le châtiment en mettant entre eux et le châtiment une protection qui est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite « Inna lil muttaqina mafaza » Pour les pieux, ce sera une réussite. Une réussite, c'est-à-dire un salut, un sauvetage du châtiment douloureux qui est l'enfer. Une issue favorable, un échappatoire. Lorsqu'ils traverseront le pont, Sirat, ils seront sauvés. Ils obtiendront le succès en étant sauvés du châtiment de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne parmi cette réussite, il dit « Hada'iqa wa a'nab » Jardin et vignes. Une catégorie de cette réussite, des vergers, des jardins immenses et nombreux, diversifiés. Les arbres du paradis et ses fruits, des arbres entre lesquels coulent des ruisseaux. Allah a cité précisément des vignes ici, quand il a dit jardin et vignes, pour sa noblesse et pour sa grande quantité présente dans ces jardins. Il dit ensuite « وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَ » Et des belles au sein arrondi d'une égale jeunesse. Effectivement, ils auront des femmes autant que souhaité. Des belles jeunes femmes, ce qu'on appelle « كَوَاعِب » des belles jeunes femmes au sein arrondi. C'est-à-dire parmi les femmes du paradis, que ce soit les houris aux yeux grands, et beau, ou les croyantes parmi les enfants d'Adam, les femmes de cette dunya. Donc ici, kawa'ib, c'est-à-dire des belles jeunes femmes au sein arrondi, c'est-à-dire des jeunes femmes au sein bien formées, bien arrondies et bien développées, qui ne se déformeront pas. Cela prouve leur jeunesse, leur force et leur beauté. D'une égale jeunesse, il a dit après, ataraba. D'une égale jeunesse, c'est-à-dire d'un même âge. Ils auront tous le même âge. Il n'y aura pas de différence entre elles dans l'âge, contrairement à dans cette dunya. Quel énorme bienfait. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie des gens du paradis. Il dit ensuite, Waka sandihaqa. Et coupe débordante, c'est-à-dire remplie en continu. Constamment rempli de boissons délicieuses, pures et diversifiées. Et parmi ces boissons, le vin. La yasma'ouna fiha lagwan wala kidhaba. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge. Ils n'y entendront pas dans le paradis des paroles futiles, des paroles fausses, vides de bénéfices et de biens. Ils n'entendront que la vérité. Il n'y aura pas de mensonges, pas de mauvaises paroles comme dans cette dunya. Chaque parole sera saine de défauts. Elle sera exemptée de défauts. Le paradis est la demeure de la paix. Pas de mensonges les uns envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Hijr, entrez-y en paix et en sécurité, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Allahu Akbar. Combien dans cette dunya tu peux entendre des mauvaises paroles, des mensonges, des futilités? Au paradis, il n'y aura plus ça. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et on finira sur ce verset. Jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba. À titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don abondant. Naam, c'est seulement par sa grâce, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa bonté qu'il leur a accordé cette récompense abondante et suffisante qui n'a pas de limite. Hein, et cela par la cause de ceux qu'ils ont œuvré dans cette dunya et leur crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux le paradis, mon frère, ma sœur, à toi de faire les causes. Fais tes propres comptes aujourd'hui. Où en es-tu? Si tu veux faire partie des gens du paradis et obtenir tous ces bienfaits qui n'ont pas de limite, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Obéis-lui. Obéis-lui dans tous ses ordres, ainsi que son messager, et délaisse tous ses interdits. Qu'Allah nous facilite et qu'il fasse qu'on soit parmi les gens du paradis et qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. On s'arrête ici, Inch'Allah ou Ta'ala. On a dépassé un peu l'heure. On continuera demain et on finira, Inch'Allah ou Ta'ala, Surat al-Naba, la nouvelle. Qu'Allah nous facilite. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته